Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, on a plusieurs nouveautés ce soir, des pièces qu'on découvre et qu'on vous fait découvrir. Et on est associé du côté de la radio Terra Incognita, on est associé avec un magazine belge progressiste qui publie une revue trimestrielle avec des revues de disques rock progressifs et il y a toujours des compilations donc qui viennent avec chacun des numéros. Il y a plein de groupes à découvrir sur ça. Et le groupe que j'ai découvert, Herd of Instinct, ça a joué récemment à l'émission la semaine dernière et l'autre d'avant. Michel nous a fait jouer ça. Mais il y a Hidden Lands, c'est de la Suède. Ils sont de la même place que Vilbrad et The Flower Kings, entre autres. Et Hidden Lands, en fait, c'était le groupe Violent Silence, qui avait réalisé deux albums en début 2003-2005. Et il a mis ses projets de musique sur la glace, le compositeur principal. Et puis, il a formé finalement, avec tous ses amis de Violent Silence, Hidden Lands. Et c'est leur premier album, donc In Our Nature. Il y aura la pièce In My Nature qui jouera. Et ça sera suivi de Madelgar, qu'on pouvait aussi découvrir sur la compilation du magazine progressiste de l'édition précédente, Madelgar Impatience et la pièce Regret. Alors on y va tout de suite avec Hidden Lands et Madelgar. discount. Like the wind in the leaves, and then they're gone. Pictures of the past and turned to dust. Happy things when they leave, just empty hands. into winter and then again. Regrets in turn will be turned to dust. Happy things will survive from hand to hand. We'll be right back. Le groupe belge Madelgaer s'est tiré de leur second album, Impatience. C'est la pièce Regret. Je pense que, en tout cas moi, quand j'ai écouté cette pièce-là, j'étais très impressionné. J'ai découvert ça sur une compilation qui avait le magazine Progressiste numéro 72, où il parlait de la convention 2013 Progressiste qui a eu lieu les 27 et 28 avril dernier. En Belgique, et il y avait Madelgaer qui ouvrait. Ensuite, il y avait Cotebel, le candidat de la Fate, il y a eu Anglagarde, Morphelia, Aranis, Spécial Providence et Forgas Ban Phenomena. Alors, comme le magazine Terra Incognita, il y a une convention pour le magazine Progressiste et on est associé de ce côté-là. Et on est content de découvrir plusieurs groupes par le biais de cette revue-là et de ces compilations-là. Et, un autre groupe que j'ai découvert, Herd of Instinct. Herd of Instinct, c'est ça vous a été présenté, c'est leur album, leur premier disque, Conjure, et ça sera la pièce Praxis. Ensuite de ça, ben on va y aller avec une artiste américaine multi-instrumentiste, absolument talentueuse, qui a réalisé un album qui s'intitule Four Pieces. Et il y a sur ça quatre pièces. Il y a trois interprétations classiques reprises à la façon progressive. Et il y a également une composition, et vous allez voir, c'est impressionnant. Et il y aura aussi d'autres découvertes, Cobalt Blue, diaphonique. Et il y aura la Cossiesa di Zeno, leur nouveauté, et le groupe Eliphaz aussi, dont il y avait une revue ou une critique dans le magazine Progressiste 71, qui était le premier trimestre de cette année. Alors, pas mal de choses qui s'en viennent dans l'émission. C'est Bruno et Marc, et là, une voix musique avec le groupe Herd of Instinct. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Schunk et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e Avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Voici Mike et G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mike et G, je suis présent. J'ai plein de temps d'antenne avant. Vous êtes prêts? Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 25 75 poste 207. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusion auditive, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. C'était l'artiste américaine Kylin, de son vrai nom Kylin Lloyd. Et c'était Fantasia, c'était une interprétation d'une pièce classique de Ralph Vaughan Williams sous un thème de Thomas Tallis. Et c'est elle qui fait tous les instruments que vous avez entendus, qui c'est composé de 4 pièces, donc c'est son 3e album. Et il y a 3 pièces qui sont les interprétations de pièces classiques, dont celle-là et une de Dvorak et une autre. Et il y a également une composition originale, alors c'est vraiment... très bon, et je vous recommande de faire des petites recherches de ce côté-là. Ensuite, on va y aller en musique avec le groupe Cobalt Blue. C'est du Brésil, c'est leur premier disque, et on peut se le procurer sur Bandcamp, sur l'Internet. Un disque intitulé Still et Natural Condition. Alors, on ira avec une pièce, Vapor Juice de Cobalt Blue. Et ensuite, on va poursuivre avec le groupe italien La Coscienza di Zeno et une pièce de leur nouvel album Sensitiva, la pièce La Città di Ditte. Alors, on y va tout de suite avec tout d'abord Cobalt Blue. Thank you. legarmi piedi e mani, posso soltanto fare salti in un sacco. Posso soltanto annuire ai superiori perché asseriscono che io sia solo un matto. Il mio pensiero torna al tempo che succedevo. Le orride perle di saliva che tu espellevi a pollici. Quasi fosse panacea, capace di guarirmi, mentre ti bevevo sprofondavo. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014. Procurez-vous votre carte de membre au coût de $25 d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de $200. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici trois façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Et finalement, par PayPal, disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le maintenant! Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Alors, de retour avec Bruno et Marc, c'était pour terminer la première heure de l'émission. C'était donc le groupe italien La Coscienza di Zeno, leur second album et plus récent Sentiti Vita, et la pièce La Città di Dite. Et juste avant, il y avait eu le groupe du Brésil, Cobalt Blue, Still a Natural Condition, leur premier album. Alors, on poursuit donc avec l'Italie, une contribution au superbe projet The Stories of H.P. Lovecraft, qui est organisé par la Maison Colossus et distribué sur Musea. Donc, c'est sur trois CD, il y a plusieurs groupes qui font les histoires, donc qui s'inspirent des histoires de Lovecraft pour nous proposer une interprétation musicale à la rock progressif. Alors, c'est le groupe Citonia de l'Italie et c'est leur pièce I Gatti di Ultar. Et en fait, en anglais, c'est The Cats of Ultar, donc les chats de Ultar. Et ensuite, on va poursuivre avec le groupe français Lazuli. C'est un groupe, un des meilleurs groupes français du rock progressif actuel. Et ils vont être ici l'an prochain pour des spectacles entre la mi-juin et la mi-août, si on veut. La mi-juin et la mi-juillet, voilà. Et on aura la chance de les voir certainement à Montréal, peut-être à Québec si on est chanceux. On ira avec une pièce de leur second album qui est probablement leur meilleur. Moi, c'est celui que j'ai découvert le premier. Puis j'ai accroché sur ce disque-là. En avant d'août, ça a été réalisé en 2006. Voilà, et ce sera la pièce Cassiopée. Tout d'abord, donc, Citonia, une interprétation de Lovecraft à leur façon, et donc le groupe français Lazuli. Thank you. En un filet de vie, le temps nous coûte et fuit sous le bruit sourd des secondes qui goûtent la nuit. Dans des rondes assassines, on tue le temps, les songes. Dans ces danses funestes, on prie souvent mensonge. On aurait voulu le temps léger, des plumes dans ce désert de mirages bleutés, de dunes. Yeah. C'était Lazuli, tiré de En avant doute, la pièce Cassiopée, un groupe qu'on pourra voir en spectacle l'année prochaine. Ça sera leur première visite au Canada. Alors, ça sera dans le coin du mois de juin. Et on en reparlera certainement d'ici là. On y va en musique maintenant avec Diaphonic. Diaphonic, c'est un groupe de la Suisse. Ils ont fait d'abord un premier EP de 4 chansons, démo de 3 chansons, donc en 2009, et maintenant de 4 chansons en 2011. C'est donc tiré de leur second et plus récent effort paru en 2011. Et vous pouvez certainement trouver les informations et télécharger cet album de Diaphonic sur Bandcamp. Alors, la pièce Skyline. Ensuite, on aura l'artiste Rhys Marsh. C'est Rhys Marsh and the Autumn Ghost, son premier disque, la pièce Spoken. Et on ira aussi avec un deuxième extrait de Stories of H.P. Lovecraft, cette fois-là avec du Canada, Ars Ephemera. C'est un groupe que je ne connais pas. Et donc, ce sera The Other Gods, qui est l'histoire de Lovecraft. Donc, en ordre, Diaphonic, ensuite Rhys Marsh et Ars Ephemera. Fortresses built on vain purposes, lost in dark recesses. Meanwhile, the canopy beamed with serenity, castles ablaze into glory and beauty untamed. Deep in its heart, the skyline dreams. Simplicity, it is blocked for a smile or a day's delight. Let the echoes of every word and mutation collect your soul. To remember inherently, we depend on the air we tip off a skyline high, tearing the dawn and the American song in the mind of the people, the shock of all nation, the swirl of the sea that we look for, our fate empty-handed away on the sideline. Of our mighty fortresses built on vain purposes, lost in darkness as it meanwhile the canopy gleams in serenity, castles ablaze in true glory and beauty unchained. Just miss a CKRL. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge, en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Shank et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e Avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Alors, donc, de retour avec Bruno et Marc pour la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita en ce 24 août 2013. Alors, ce qu'on a entendu juste avant pour terminer le bloc, c'était Rhys Marsh and the Autumn Ghost, The Fragile State of In Between, son premier disque, la pièce Spoken. C'était un extrait de cette pièce et il y avait eu juste avant Diaphonic. C'est pas mal bon, hein, de la Suisse, là, c'est assez impressionnant. C'est un groupe à surveiller, certainement. Alors, on y va en musique avec donc Ars Ephemera. Ars Ephemera du Canada, c'est pas un nom qu'on connaît, mais quand on regarde qui a participé à ce projet-là, dans le fond, on a vu que c'était probablement un groupe formé pour les besoins de cette compilation, donc The Stories of H.P. Lovecraft. Et sur ça, ben, il y a Martin Levac qui... on connaît pour son implication avec les spectacles en hommage à Phil Collins. Et il y a aussi David Myers, le claviériste, qui joue du Genesis au piano seul de façon prodigieuse. Donc, Ars Ephemera, vous allez certainement reconnaître un artiste qu'on connaît bien, Keith Emerson, dans cette pièce, donc The Other Gods. Et après Ars Ephemera, on poursuit en musique avec le groupe de Québec Eliphaz, leur premier disque, Le Royaume des Poussières, et l'excellente pièce Les Lieux de mémoire. Donc, tout de suite, Ars Ephemera et Eliphaz. We'll be right back.